Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches sur Radioactive 100 FM ou sur le radio-active.net, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, musiques expérimentales, industrielles et autres, qui commence à l'instant juste après le générique. On aura tout à l'heure un live. C'est un groupe qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'écouter. C'est Air, les Français. C'est un live spécial pour la sortie en fait de l'album qui était la bande annonce, enfin la bande originale pardon du film Virgin Suicide, le magnifique film de Sofia Coppola. Et avant, on va avoir un peu de rock'n'roll. On attaque immédiatement avec No Means No qui nous chante Now et apprendra un très bon morceau de Lemonheads, Become the Enemy. Comme d'habitude, pour le reste des titres, c'est sur la page du site qu'il faut se rendre et on se retrouve pour le live. C'est parti. Jar was heavy with your honeyed confidence. I put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started now. Come up.

I just a man looking at you, the mannerism. Sorry, my kids, I just a man looking at you, the manner. Sorry, my kids, I just a man looking at you. I don't know why. Go for a drink sometime. Come with me and do the crowd work. Yeah. with a wooden fist and know-it-all uptight. I paid for the sun, but I can still hear it thunder, and I can still feel it under my skin. I got cat bones, I'm brittle and good. Got shit in my eyes, I'm the first one here. I paid for the sun, but I can still hear the thunder, and I can still feel it under my skin. Skin right. gotta find a way out of here. I'm gonna find a way, I'm gonna find a way. I gotta find a way out of here. I'm gonna find a way, I'm gonna find a way. Around, they say, come with your arms raised high. Well, they're never gonna get me like a bullet through a flock of doves to wage this war. the cloudy draw. Yippee-yay, yippee-yo. Ghost riders in the sky. Yippee-yay, yippee-yo. Ghost riders in the sky. The princess still on fire and the hooves are made of steel. His armor's black and shiny and his high breath he could feel. His joyful cry. Yippee-yay, yippee-yo. Ghost riders in the sky. Yippee-yay, yippee-yo. Ghost riders in the sky. I know a weenie man, he owns a weenie stand. He sells most everything from sausage on down. One day I'll share his life, I'll be his weenie wife. Hot dog, I love that weenie man. Seven, This song's a cover. It's by the Subhumans. I don't know if any of you ever heard of the Subhumans or anything, but I'm just kidding. Yeah. used to be. Wish I could be the devil in disguise. Nothing can stop me, wanna pay the price. I'm on my way to hell. They're always I ring the bell. C'est sur ce morceau des bien nommés Prolétariat que s'arrête la première partie de Lost in Space exclusivement rock'n'roll. C'est le live maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est Air, groupe français versaillais, qui avait sorti donc un album pour la bande originale du film de Sofia Coppola, The Virgin Suicide. C'est enregistré tout simplement en 2000, en janvier, à Hollywood, au American Legion Hall. Le son est plutôt pas mal, vous allez voir, et on en a pour une petite demi-heure. Allez, c'est parti, go! tip of nature's strongest storm. A hurricane occurs when high pressure and low pressure masses of air come in contact with one another. There is often a significant difference in temperature between the two masses. One mass is warm, while the other is cold. The warmer air rises, and the cooler air falls. Likewise, the low-pressure area slides down the sides of the high-pressure area. They swirl in and around one another, creating the beginnings of the storm. Vous êtes toujours sur Radioactive, Lost in Space, sur le 100 FM, votre rendez-vous rock'n'roll, musiques expérimentales du dimanche soir de 21h à minuit. Le live s'achève à l'instant, c'était Air, le groupe français, et on continue maintenant avec mélange musical de sélection et de texte. Un texte politique sur les luttes de l'immigration post-coloniale dans la révolution citoyenne. C'est parti. Mon présentateur s'imagine sans doute que j'ai peur. Une sale fissure dans le réacteur. On m'a promis de trouver l'erreur. Rien à faire contre la peste noire. Il reste à voir au fond du ciboire. Parle-moi encore de la peste noire. Personne ne croit cette vieille histoire. Elle résonne dans la tête. Ils abattent les malades comme des bêtes. Quand tout le démon sort des trous. Et dans les rues, ils deviennent fous. Écoute-moi tes économies. Ici tu soignes à coups d'hostie. Pas d'ordonnance sans maladie. Rappelle-toi que t'es mon alibi. La Croix-Rouge, par pitié, j'ai déjà donné. Mes voisins sont tous des gens très bien, qui risquent soigner la sale idée. Tous coupables en procession, à genoux, à pleurer pardon. Moi je sais, c'est par milliards, qui crèveront la peste noire. pourquoi diable une femme doit-elle s'arrêter d'aimer un homme dès l'instant où il s'est rendu coupable d'une peccadille ? Vivre ensemble relève du miracle, vivre ensemble et se soucier l'un de l'autre. Dormir ensemble tandis que les pieds, les jambes se frôlent. S'endormir côte à côte. Seuls les indestructibles peuvent vivre seuls, les indestructibles et les égoïstes. C'est formidable de pouvoir manger en tête à tête, d'entendre la pluie tomber une tête sur son épaule, de passer Noël, le Nouvel An, la fête du travail avec un être vivant, de contempler les traces noirâtres de son passage dans la baignoire, de jeter un œil dans la cuvette des WC avant de tirer la chasse à sa place. Formidable aussi que la baise ne cesse de s'améliorer avec le temps. Bonté divine, qu'est-ce qui cloche chez cette femme ? Serait-elle insensible à tout cela ? Bukowski. Yes, I said you're good.